Chapitre 4. La cheville cassée. En revoyant ses enfants, Lady Isabelle avait retrouvé la santé, le bonheur et le doux sentiment de la sécurité, mais chaque jour, elle sentait qu'elle devenait davantage la proie d'une déplorable apathie. Il lui semblait, dans son abattement, que tous les êtres qu'elle avait chéris étaient morts et l'avaient laissée seule pour leur survivre. C'était un accablement douloureux, un vide du cœur qui l'envahissait tout entière. Elle aurait voulu le chasser loin de ses pensées, lui, cet homme pervers, mais elle avait beau vouloir, il se dressait toujours et sans cesse devant elle. L'image de Francis Levison était constamment présente à ses yeux. À chaque instant du jour, elle se reflétait sur ses pensées, et la nuit même, elle faisait le sujet de ses rêves. Mais aussi, quel rêve! Quelle déception au moment du réveil! Quel douloureux contraste avec la réalité! Quelles angoisses ne causait-il pas à sa conscience? Que n'eût-elle point donné enfin pour se délivrer de ces pénibles visions, pour qu'il ne vînt plus, lui, la troubler ainsi dans son sommeil? Mais que faire? Il n'y avait nul remède. Car une fois l'âme pénétrée dans sa substance de semblables idées, les rêves de la nuit ne manquent jamais de suivre la voie battue par les pensées de la journée. La pauvre Lady Isabelle s'éveillait donc en proie au remords, à l'agitation, à la fièvre. Elle voulait combattre ce mal terrible, en arracher les racines, en briser les branches, mais le temps, ce médecin des grandes douleurs, pouvait seul amener une guérison. Elle le comprenait bien. Un jour, d'assez bon matin, Carlyle monta à cheval et se rendit au château de Levison. Il demanda voir Sir Peter, mais on l'introduisit auprès de Lady Levison. C'était une jeune et jolie femme, pompeusement parée, et lui demanda ce qu'il voulait. Je désire causer avec Sir Peter. « Si c'est pour affaire, je vous préviens qu'il ne peut s'en occuper en ce moment. Il est malade, et cela le bouleverse et le tourmente. »« Permettez, madame, » interrompit l'avoué. « C'est d'accord avec lui que je me présente ici. Il est midi, c'est l'heure qu'il a lui-même fixée pour le rendez-vous. » Lady Levison se mordit les lèvres et salua froidement. En cet instant parut un domestique qui conduisait Carlyle auprès de Sir Peter. On aborda immédiatement le sujet qui amenait l'avoué, c'est-à-dire la mauvaise conduite et les dettes de Francis Levison. Sir Peter, vieux gentilhomme portant une culotte de velours, insista spécialement sur les dettes. « Je n'hésiterai point, dit-il, à le remettre sur pied, si je ne craignais d'avoir à recommencer sans cesse la même manœuvre. C'est du reste ce que j'ai déjà fait plus d'une fois. Son grand-père était mon frère unique, son père était mon neveu, un homme pour lequel j'avais un profond respect et une vive amitié. » Mais lui est aussi perverti qu'ils étaient honorables. C'est un misérable, monsieur Carlyle, et voilà tout. Ces malheurs qu'il m'a contés m'ont ému, et j'ai promis de vous voir et de vous parler en sa faveur, répliqua l'avoué. Quant à ses vertus ou à ses vices, j'ignore tout. Tant mieux, grommela le vieillard. Ainsi donc, il désire que je le tire encore une fois d'embarras. C'est là ce qui m'amène. Mais que voulez-vous que je fasse? Ses affaires sont dans le plus grand désordre, et l'on ne saurait y voir clair sans quelque explication de sa part. J'avançais des fonds pour éteindre certaines dettes, et des créanciers m'assurent qu'ils n'ont encore rien touché. S'il vient s'entendre avec moi, il faut absolument qu'il vienne me trouver lui-même. Mais il ne peut venir ici qu'en cachette. Ici ? Interrompit Sir Peter. Non, il ne peut venir ici. Lady Levison ne consentirait jamais à lui donner l'hospitalité. S'il se rendait à Eastline, suggéra Carlyle avec sa bonté ordinaire, personne ne s'aviserait de soupçonner sa présence en cet endroit. Vous lui portez plus d'intérêt qu'il ne mérite. Oserais-je vous demander, monsieur Carlyle, si c'est en qualité d'avoué que vous agissez ainsi en sa faveur? Nullement. Je ne songe qu'à lui rendre un service. Après avoir échangé encore quelques paroles, il fut décidé qu'on enverrait chercher le capitaine Levison. Carlyle, au moment où il venait de quitter Sir Peter, rencontra Lady Levison. Je crois savoir, lui dit-elle, que l'entretien que vous venez d'avoir avec mon mari roulait sur son petit-neveu. « Vous ne vous trompez pas, madame, » répondit l'avoué. « Eh bien, monsieur Carlyle, permettez-moi de vous apprendre que j'ai de lui une très mauvaise opinion. Veuillez ne pas mal interpréter mes paroles. Francis Levison est le neveu de mon mari, son héritier présomptif. Il peut donc paraître étrange que je m'élève ainsi contre lui. Il y a 2 ou 3 ans, avant mon mariage, ou plutôt avant même que j'eusse connu Sir Peter, je rencontrai le capitaine Levison chez quelques-uns de mes amis. Sa conduite vis-à-vis de ces derniers fut honteuse, car il paya leur généreuse hospitalité de la plus grossière ingratitude. Je sais aussi sur sa vie passée d'autres détails, d'autres faits qui ne sont pas à son honneur. C'est un fourbe, un être méprisable. Je le connais peu, fit Carlyle, et je vous serai obligé de m'apprendre la nature des fautes dont il s'est rendu coupable, dans la circonstance du moins à laquelle vous venez de faire allusion. Puisque vous le désirez, monsieur Carlyle, sachez qu'il a ruiné mes amis. Habitants de la province, c'étaient de bonnes gens, simples, confiants, n'entendant rien au vice, à la fraude, aux roueries du monde. Francis Levison les entraîna à endosser des billets. C'était, assura-t-il, une simple affaire de forme, pour l'obliger pendant un mois ou deux. On le crut sur parole. Ces gens n'étaient pas riches. Ils vivaient d'un petit bien qui leur appartenait, juste ce qu'il faut pour ne pas mourir de faim. Quand arriva l'échéance, pour eux arriva la ruine. Il leur fallut quitter leur maison. Tout cela fut fait par lui de propos délibérés. Je pourrais vous révéler d'autres bassesses qu'il a commises également. Elles sont innombrables. Que Sir Peter lui vienne en aide, qu'il l'accueille, qu'il solde ses dettes, qu'il le tire des difficultés où il s'est engagé, cela m'est indifférent. Mais je ne veux point qu'il franchisse le seuil de cette demeure. Sir Peter m'a dit en effet que vous refusiez de le recevoir. Il est urgent cependant qu'il vienne en Angleterre et qu'il voie Sir Peter. Qu'il vienne en Angleterre, interrompit Lady Levison. Dans la position où il se trouve, cela me paraît impraticable, à moins cependant qu'il y vienne incognito. C'est évidemment ainsi que nous l'entendons. Il n'y a que ce moyen-là. J'ai proposé de lui offrir un asile à Eastline, car vous savez sans doute qu'il est en quelque sorte allié à la famille de ma femme. Prenez garde qu'il ne paye votre hospitalité d'ingratitude, ajouta Lady Levison avec vivacité. C'est son habitude, souvenez-vous-en. Carlyle se prit à rire. Je ne vois pas trop le mal qu'il pourra me faire, en admettant qu'il en eût l'intention. Il n'est pas homme, je pense, à chasser mes clients ni à battre mes enfants. Quant à ma bourse, elle est sous bonne garde. D'ailleurs, il ne restera chez nous que quelques jours. Lady Levison ne put s'empêcher de sourire à son tour. Peut-être, ajouta-t-elle, en serrant la main de Carlyle, peut-être que dans votre maison, il ne trouvera pas l'occasion de donner un libre essor à ses mauvais instincts. Mais s'il s'en présente une seule, soyez sûr qu'il ne la manquera pas et saura la tourner à son profit. Cette visite de l'avoué à Levison Park eut lieu un vendredi matin et de retour chez lui, il en adressa un compte-rendu au capitaine, l'engageant à quitter Boulogne et à revenir au plus vite. Carlyle, comme tant d'autres dont la tête a sa bonne part de travail, oubliait parfois les petits détails et ce fut ainsi qu'il oublia de prévenir sa femme de l'arrivée prochaine de Francis Levison. Le lendemain, il dînait avec Lady Isabelle dans le voisinage, et pendant le repas, la conversation vint à rouler sur les Ducy et leurs dépenses folles et désordonnées. L'enchaînement des idées transporta la pensée de Carlyle à Boulogne et auprès du capitaine Levison. Il se souvint alors qu'il n'avait encore rien dit à sa femme de la visite projetée. Dès qu'ils furent en voiture pour retourner chez eux, il crut devoir réparer cet oubli. « Isabelle, j'attends un visiteur. Avons-nous une chambre prête à le recevoir ?»« Certainement. » Et dans tous les cas, il nous serait facile d'en faire préparer une. Fort bien, mais je ne serais pas étonné qu'il arrive à demain, dimanche. Qui attendez-vous donc? Le capitaine Levison. Qui? S'écria la jeune femme avec un accent de profonde consternation. Le capitaine Levison. Sir Peter consent lui accorder une audience. Mais Lady Levison refuse de le recevoir au château, et c'est pourquoi j'ai proposé de lui donner un appartement à Eastline. Si grande était l'émotion de Lady Isabelle, qu'il lui fut impossible d'articuler une parole. La tête lui tournait, et pendant quelques instants elle perdit presque connaissance. « Archibald, » fit-elle subitement, « Levison ne résidera point à Eastline, je ne le veux pas. »« Ce ne sera que pour peu de temps, » répliqua Carlyle, « un jour ou deux tout au plus. »« Sa présence me déplaît, » reprit-elle, « ou plutôt, je tiens à ne pas le voir à Eastline. »« Je le regrette, mon enfant, mais je ne puis y remédier maintenant. » Déjà, probablement, il est en route, et j'ai lieu de penser qu'il arrivera demain. Puis-je les conduire, moi, qui l'ai invité? Si j'avais su que cette visite lui vous contrariait, je ne l'aurais pas provoquée. Demain, s'écria-t-elle, en répétant le seul mot qu'elle eut entendu. Il arrive demain. Comme c'est demain dimanche, jour de repos, il ne manquera pas d'en profiter. Mais qu'a-t-il donc fait pour que sa visite vous bouleverse tant? À Boulogne, vous ne lui témoignez pas cette antipathie. Il n'a rien fait, répondit-elle en balbutiant. Lady Levison, reprit Carlyle, semble avoir conçu de lui une très mauvaise opinion. Elle dit l'avoir connu autrefois. Elle m'en a raconté un ou deux faits qui sont peu à sa louange, si toutefois ils sont réels. Mais peut-être est-elle prévenue contre lui ? Elle l'est assurément, insista Isabelle. C'est du moins ce que m'a donné à entendre Francis Levison, mais je crois qu'il lui rend bien l'appareil. En tout cas, que nous importe ? Tenez, Isabelle, je suis tentée de croire que vous aussi vous êtes prévenue contre lui. Elle ne répondit pas, préférant laisser Carlyle dans cette croyance. Immobile, les mains croisées, l'âme au désespoir, elle sentait que le destin était plus fort qu'elle. Comment réussira-t-elle à oublier cet homme dont on lui imposait ainsi la présence et la compagnie ? Tout à coup, elle se tourna vers Carlyle et appuya son visage sur son épaule. Il la crut fatiguée, et lui passant un bras autour de la taille, il la soutint ainsi, penchant avec amour son visage vers le sien. Elle eut alors de nouveau la pensée de lui confier une partie de la vérité. Quel rempart que ce bras autour de sa taille ! Quel appui tutélaire que celui sur lequel elle se reposait ! Pourquoi n'avoir pas en lui la confiance et la foi d'une enfant ? La foi lui manqua parce qu'elle manqua de courage. Deux fois ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais deux fois les paroles expirèrent sur ses lèvres. Le lendemain matin, il pleuvait à verse. Le temps s'éclaircit cependant vers le milieu du jour. Dans l'après-midi, tandis qu'on était à l'église, la pluie recommença à tomber à torrents. « Cornélie !» fit tout bas Carlyle en s'approchant de sa sœur à la fin du service. « Il pleut à verse, et je vous conseille de revenir avec nous dans le Tilbury. John ira à pied. » Cornélie n'était pas femme à accepter une telle proposition. Il aurait plu des hallebardes, qu'elle ne serait allée à l'église et n'en serait revenue qu'au moyen de ses jambes. Elle se mit donc en route, protégée de son énorme parapluie. Carlyle venait de franchir la grille et de s'engager dans l'avenue, quand des cris de détresse se firent entendre, et il aperçut la petite Isabelle qui accourait à lui en pleurant, en sanglotant, et dans la plus vive agitation. Carlyle sauta de voiture et courut au-devant de son enfant. « Papa, papa, venez vite, je vous en prie, je crois qu'elle est morte. » Il prit l'enfant dans ses bras afin de la calmer. « Tais-toi, ma chérie, tu alarmes ta maman. Voyons, ne tremble pas ainsi, dis-moi ce qui t'est arrivé. » La petite Isabelle lui conta naïvement qu'elle avait été méchante et qu'elle s'était sauvée pour jouer dehors pendant qu'il pleuvait. Joyce lui avait défendu, mais elle s'était élancée quand même à travers l'herbe mouillée, poursuivie par la pauvre servante qui finit par glisser et tomber au pied du glacis. Carlyle trouva Joyce étendue au bas de la pente, le visage pâle et sans mouvement. Au moment où il s'approcha d'elle, elle ouvrait les yeux comme si elle sortait d'un évanouissement. « Oh, monsieur !» s'écria la pauvre servante en l'apercevant près d'elle. « Ne me touchez pas, je souffre horriblement, j'ai la jambe cassée !» Il voulut la soulever, mais elle poussa un cri de douleur. « J'espère que vous n'êtes pas blessée, » fit-il avec bonté. « Comment cela est-il arrivé ?»« Votre fille, monsieur, s'est échappée malgré la pluie. J'ai couru après elle pour la ramener, mais le glacier étant très glissant, je suis tombée, et en tombant, j'ai perdu connaissance. » Carlyle envoyait John avec le Tilbury chercher M. Wainwright, et les domestiques qui revenaient en ce moment de l'église s'emparèrent de Joyce et la transportèrent sur un lit où on la déposa tout habillée. Carlyle et Lady Isabelle restèrent auprès d'elle. Mademoiselle Cornélie s'y trouvait aussi, s'agitant beaucoup, mais agissant peu, préparant mille choses qu'elle s'imaginait devoir être utiles, voulant faire prendre à Joyce des cordiaux et des potions impossibles, abandonnant son cœur tour à tour à la sympathie et à la colère. C'était une âme à explosion. Aussi faisait-elle plus de mal que de bien. Tout à coup, la petite Isabelle pénétra dans la chambre et tira sa mère par le pan de sa robe. « Maman, » murmura-t-elle tout bas, « il y a en bas un monsieur qui vient d'arriver en chaise de poste. Il a avec lui un porte-manteau et désire vous parler à vous et à papa. » Lady Isabelle était au supplice. Elle ne devinait que trop quel était ce nouveau venu. « Qui est-ce » demanda-t-elle à l'enfant. « Je ne sais pas, » répliqua la petite fille. « Mais je ne l'aime pas, maman. Il m'a prise dans ses bras et m'a serré très fort, et puis il a de bien vilains yeux. » « Va prévenir ton père de l'arrivée de cet étranger, » dit Lady Isabelle. L'étranger n'était autre que le capitaine Levison. Carlyle s'empressa d'aller le recevoir et de lui tenir compagnie. Lady Isabelle mit à profit l'accident arrivé à sa femme de chambre pour ne pas se montrer. M. Wainwright arriva bientôt et déclara que l'accident n'était qu'une simple fracture de la cheville. Cela aurait pu être beaucoup plus grave, mais Joyce s'en serait quitte pour garder le lit 3 ou 4 semaines. Plus tard, dans la soirée, Isabelle et Williams jouaient ensemble dans le salon où se trouvaient Carlyle et Levison. « Quels beaux enfants !» fit Levison, « et quel charmant visage !»« Ils ressemblent beaucoup à leur mère, » répondit Carlyle. « Elle aussi, tout enfant, était d'une beauté ravissante. »« Vous l'avez donc connue enfant ?» demanda le capitaine avec quelque surprise. « Oui, je la voyais fréquemment. Elle venait souvent passer quelque temps ici avec Lady Mount Severn. Vraiment ?»« Ce château appartenait donc à Mount Severn ?»« Ma petite demoiselle ?» continua Levison en se tournant vers la petite fille et en la tirant à lui. « Il faut que je m'empare de vous. Vous êtes échappé de mes mains tout à l'heure et vous n'avez jamais voulu me dire votre nom. » « Je me suis échappé pour prévenir maman, qui était auprès de Joyce, » répliqua l'enfant. « Joyce, dites-vous, qui est Joyce ?»« C'est la femme de chambre de Lady Isabelle, » ajouta Carlyle, « celle qui vient d'avoir cet accident dont je vous ai parlé. Nous avons pour elle une bien grande estime. »« Quel nom singulier, » remarqua Francis Levison. « Joyce, Joyce. C'est un nom que je n'ai jamais entendu auparavant. Est-ce un nom de baptême ?»« Oui, son nom propre est Hallijohn. Elle est ici depuis plusieurs années. » La petite Isabelle, qui venait d'essayer, mais en vain, de se délivrer de l'étreinte du capitaine, poussa un cri et fondit en larmes. « Qu'as-tu, mon enfant ?» demanda le père. « Je n'aime pas qu'il me tienne ainsi dans ses bras. » Le capitaine la serra de plus en plus fort contre sa poitrine, car là il se leva brusquement de sa chaise, et d'un air calme et plein d'autorité, il s'empara de sa fille et la prit sur ses genoux. L'enfant cacha son visage dans le sein de son père et lui entoura le cou de ses bras. « Je ne l'aime pas. » murmura-t-elle à l'oreille de son père. « Il me fait peur. »« Je m'aperçois, capitaine, que vous n'avez pas l'habitude de jouer avec les enfants, » s'écria Carlyle. « Les enfants, voyez-vous, sont de petites plantes tendres et délicates, capricieuses et surtout sensibles. »« Vous avez parfaitement raison, » insista Levison. « Je ne connais pas les enfants, mais je comprends qu'ils sont très désagréables. »« L'accident arrivé à votre servante doit être trop grave, » ajouta-t-il. « Elle en gardera sans doute le lit pendant quelque temps. » « Au dire du docteur, elle ne le quittera pas de quelques semaines, » riposta Carlyle. Le capitaine Levison se leva et, plein d'une joie effrontée, saisit le petit William et le fit pirouetter. Ce bambin, d'un caractère tout à fait opposé à celui de sa sœur, se mit à rire à gorge déployée et sembla goûter la plaisanterie.